Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. La Société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La Société sylvicole est sur 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Est très heureux de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Le tournoi de Roland-Garros se poursuit actuellement à Paris. On n'est pas chanceux cette année avec Roland-Garros. Il y en a qui sont éliminés, il y en a qui déclarent forfait. On en parle avec notre amie Caroline Delisle. Salut Caroline! Oui, bonjour! Caroline, du côté canadien, évidemment, c'est pas la meilleure année. Hein? Il y en a qui déclarent forfait. Il y en a d'autres qui sont éliminés. Et dans le cas de Bianca Andreescu, c'est un petit peu décevant. On dit que ça pourrait mettre... C'est même inquiétant. Ça pourrait mettre fin à sa saison sur terre battue. Ben, ça marque que le terre battue, ça achève. C'est pas mal des derniers tournois, là. Oui, ben effectivement. Hein, c'est sûr que là, nos Canadiens, on est effectivement déçus. On a le cas de Raonic, lui, qui avait déclaré forfait en raison de son genou. Donc, il n'a pas joué. Après ça, Chapovalov s'est incliné très tôt. C'est pas facile pour Chapovalov non plus. Elle manque un petit peu de régularité et tout. Aliassim aussi est blessé. Donc, c'est que c'est pas facile. Puis, bon, Eugénie qui s'est incliné aussi au premier tour. C'est certain que la terre battue, c'est pas une surface facile. Donc, faut être patient puis il faut travailler fort pour ses points. Dans le cas d'Andreescu, ben comme vous avez dit, c'est quand même très dommage. Hein, fait que je suis pas sûr qu'elle était vraiment prête à revenir au jeu. Peut-être que bon, ils vont regretter de ne pas avoir attendu un petit peu plus là, pour lui permettre de vraiment se rétablir. Parce que là, dès que la douleur revient, ben là, ça peut compliquer les choses. Ça peut en avoir pour peut-être encore plus de temps là, à revenir en bonne condition. Puis on sait que c'est quand même une joueuse fragile. Dans le passé, là, elle a eu quand même son lot de blessures. Fait qu'on va espérer que ça va bien aller pour elle puis qu'elle va pouvoir justement là récupérer assez vite pour au moins être prête pour la saison sur gazon. Écoutez, on n'en sait pas tellement plus. Hein. Bon, ils ont juste dit que la douleur était réapparue, mais que c'était beaucoup plus léger. Mais ça tient pas à grand-chose. Hein. L'épaule, là, au tennis, c'est quand même assez important au niveau du service et tout. Puis on le voyait hein, dans son match, là, elle avait l'air à se lamenter un petit peu, à shaker le bras... Bon, elle essayait de se trouver une façon là, peut-être de se protéger puis de pas trop penser à la douleur, mais il reste que psychologiquement, c'est pas évident pour les athlètes là, lorsqu'il y a des blessures comme ça. Fait, elle est quand même jeune, hein, 18 ans, fait que c'est certain qu'elle joue beaucoup de matchs depuis le début de l'année. Puis elle a un passé de joueuse qui se blesse souvent là, aussi. Là. Oui, ben c'était plus au niveau du dos et tout, l'épaule peut-être moins, mais là, avec tous les nombreux matchs qu'elle a joués en début d'année... Bon, c'est peut-être là aussi que le mal s'est fait, là. Fait que voilà, c'est certain que nos athlètes sont très bien encadrés là, au niveau physique. Ils ont des bons entraîneurs là, pour les aider à bien récupérer les traitements et tout ça. Fait que ça, c'est très positif. Mais d'un autre côté, c'est sûr que les blessures, hein, ça fait partie du jeu. Puis la saison de tennis est longue, puis c'est pas facile. Les joueurs laissent beaucoup, beaucoup d'énergie sur le terrain. Puis il faut qu'ils s'entraînent très fort aussi en dehors du terrain. C'est pas facile là. Donc on peut comprendre aussi là, les blessures là, qui surviennent pour plusieurs joueurs et joueuses là. Ok, si on parlait un peu du côté de Félix, de Eugénie Bouchard, Hélène Petit est allée d'une déclaration, enfin, écoute, c'est un feeling là. C'est pas, elle a aucune information comme qu'elle l'a dit, mais j'ai l'impression que Eugénie se prépare pour la retraite. Je sais pas si tu as pris ce commentaire là. Elle est pas inscrite à Wimbledon. Pas Wimbledon, mais les tournois de préparation pour Wimbledon. Et ça, quelque part, ça fait dire à Hélène Petit que la fin pourrait approcher. Tu es d'accord avec ça? Bon, c'est embêtant, hein. Écoutez, là, présentement, elle n'a pas d'entraîneur. Bon, ça n'a pas fait là, avec Michael Joyce. Oui, c'est ça. Bon, avec son entraîneur physique, là, c'est fini aussi. Bon, Eugénie, c'est certain qu'elle a été blessée aussi, hein, avec une blessure au niveau des abdominaux qui tarde à guérir. Là, je sais que ça traîne ça fait déjà longtemps. Fait que si elle jamais est trop à 100%, ben c'est difficile pour une athlète là, de vraiment continuer la compétition puis même les entraînements. Fait que cette blessure-là, je sais pas, mais en tout cas, il semble que ça lui cause quand même pas mal de problèmes. Je sais pas dans le cas d'Eugénie, tu sais, c'est embêtant, hein, mais moi, ça me surprendrait pas nécessairement qu'éventuellement ça n'en vienne à ça. Parce que là, ça fait plusieurs fois qu'elle change d'entraîneur. Tu sais, le mot doit se passer quelque part, là. Ouais, ben c'est pas une joueuse quand même facile à entraîner non plus. Fait, il faut que ça fitte, hein, d'un côté comme de l'autre. Fait qu'elle est peut-être un petit peu trop exigeante et difficile avec la personne avec qui elle veut travailler parce que elle veut que ce soit plus à sa façon. Puis les entraîneurs, ben tu sais, c'est pas évident non plus pour eux là, parce que bon, tu sais, faut qu'il y ait une chimie, hein, entre les deux puis qui s'installe. Moi, je pensais bien qu'avec Michael Joy, ça allait faire parce qu'il avait l'air au début là bien s'entendre tout ça, mais bon, au fil du temps, on voit que ça n'a probablement pas fonctionné. Fait que peut-être qu'il n'y avait pas la même ligne de pensée. Puis peut-être que lui demandait des choses qu'elle ne voulait pas faire ou vice-versa. Donc, fait que c'est pas facile non plus. Puis quand tu joues puis tu n'as pas d'entraîneur puis tu n'es pas encadré non plus trop au niveau physique, tout ça, c'est quand même plus difficile. Fait que là, je sais pas qu'est-ce qui va arriver dans son cas. Parce que là, bon, elle semblait dire qu'elle avait encore mal, là, justement, aux abducteurs puis aux abdominaux. Fait qu'il faut qu'elle soigne ça. Est-ce qu'elle va être prête pour la saison, là, sur le gazon, tout ça? J'en ai aucune idée, là. Écoutez, on n'a pas beaucoup de nouvelles, hein, dans son cas. Fait qu'on se fie, là, justement, aux commentaires qu'Hélène Petit, tout ça, vont dire. Puis on prend des petites informations à gauche, à droite. Mais c'est quand même une bonne joueuse. C'est juste dommage. On dirait que, bon, de la difficulté, là, à tout mettre ça ensemble, puis que ça. Puisse bien aller pour elle. Là, mais okay. On va suivre ça de près. Là. Ben, Caroline, un gros merci. Au plaisir de se reparler. Oui, merci beaucoup. Voilà, merci Caroline Delisle qui nous parlait de Roland-Garros.